Brigitte, mon cœur, Brigitte, j'ai peur. Je ne sais plus où j'habite, et plus personne ne m'invite. Je suis encore seul face à moi, et avec l'écho de ta voix, Brigitte, mon cœur. Brigitte, dis-leur que tu m'as aimé plus que tout, et que je t'aimerai jusqu'au bout. Je suis encore seul face à moi, et avec l'écho de ta voix. Tu me dis d'aller me faire foutre, de retourner tailler ma route. Mais j'avais tracé un chemin devant nous deux, main dans la main, Brigitte. Mon cœur, Brigitte, ton cœur. Est encore au bout de mes doigts, lorsque je ferme mes yeux de chat. Je sais, je te vois même dans la nuit, où ta voix se confond à mes cris. Je me souviens de ta grâce, déesse étendue, blanche et grasse. J'ai encore la trace de tes doigts, quand tu m'attrapais par le bras. Brigitte, mon cœur, Brigitte, alors. Tu peux pas laisser trois enfants grandir sans dire papa, maman. Ça deviendra des délinquants, ils voudront devenir musulmans. Brigitte, Brigitte, Brigitte. J'ai pas grandi, je suis le même. Je n'ai jamais su dire je t'aime. Mais malgré mon cœur de rocker, je ne suis qu'un enfant de cœur.